Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission d'Espace-Temps. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle de science-fiction de mon cru, La Terre promise, enregistrée en 2009 avec l'aide de Fred et K00. Pour audiocité.net, les éditions de l'avenir présentent La Terre promise. Un texte de Christian Martin, lu par Christian Martin, avec la participation de Fred et K00. La Terre promise. Rouge, rouge, rouge. Clignotement, alerte. Pas un son à part ce curieux grésillement provenant de derrière, à gauche. Et toujours, ce clignotement muet, rouge d'alerte. Comme une plaie ouverte d'où gicle le sang à chaque battement de cœur. Et l'autre, le voyant vert, s'entête dans sa constance comme pour souligner encore le caractère d'urgence du clignotement rouge. Si, en ce moment, on me présentait un miroir, ma perplexité m'effraierait. J'ai toujours un air féroce lorsque je suis soucieux. Pourtant, obnubilé par le clignotement rouge, mon cerveau tourne à vide. Tant de concentration pour en arriver à... Ça ne devrait pas clignoter comme ça. Chaque explosion tache de rouge les parois de la cabine. J'ai l'impression que jamais je n'arriverai à nettoyer tout ce rouge. Après un moment, je remarque l'absence soudaine du grésillement. Un relent d'électronique grillé me baigne. Je détache enfin mon regard de la blessure qui pulse. Dehors, sur la fenêtre d'un écran, la nuit étoilée, perpétuelle, cosmique. Un vertige me saisit, et la nausée remplit mon vide intérieur. Je ferme les yeux. Légère poussée, et je m'éloigne de la console blessée. Flottant sur l'air dans ce fauteuil qui m'a accueilli à l'heure du départ et que jamais depuis je n'ai quitté. J'approche du panneau. Les circuits sont calcinés. Un sourire désabusé masque ma lassitude. J'aspire au retour du sommeil cryogénique dont la procédure d'alerte m'a extrait. Bienfait de l'inconscience sur mon âme torturée. Elle était douce, la femme, dans mon lit de pétales de roses rouges et blanches. Ils étaient tendres, nos baisers, nos caresses, devant un holoviseur muet. Ma main ouverte dans ses cheveux soyeux. Son visage abandonné au langage de mes doigts. Mon cœur battant au rythme du ressac de son souffle. Ses yeux fermés, contemplant la chair de mon amour et goûtant à pleine peau. Elle était blanche, la femme, dans son linceul de soie. Froide déchirure gelée, durcie. Plus un souffle de vie. Plus jamais elle ne frémirait sous les caresses de mon cœur. Plus jamais elle ne boirait à la tendresse de mon regard. Quelque chose alors s'était brisé en moi. Un ressort éclaté. Il y a des siècles. Pour moi, c'était hier. L'ordinateur de bord enclenche une lumière crue, sans égard pour l'intimité de ma peine qui s'échappe de mes yeux. Il l'a estimé nécessaire à la réparation, le rustre. Je jure et plonge mon visage dans mes mains. Seul moyen de conserver un semblant de décence et de sentir enfin mes pleurs sur mes joues. L'absence de gravité n'a pas que des avantages. L'ordinateur a décelé de l'humidité dans mon environnement. J'entends le suceur au long cou sortir de sa niche. Il cherche à m'assécher. Il aspire mes larmes. Ne comprend-il pas que ce dont j'ai besoin, ce sont des points de suture cardiaque? Comment le pourrait-il? Il s'acharne. La rage a chassé les pleurs. Je voudrais tordre le cou du suceur, l'arracher à sa niche de métal. Je voudrais fracasser mon poing sur le voyant d'alerte et éclater mon crâne sur les parois glacées. Mais tous ces gestes vengeurs sont vains et ridicules en apesanteur. De plus, comme si cela ne suffisait pas, je suis ficelé dans mon fauteuil, réduit à l'impuissance. L'ordinateur de bord veille sur moi, à mon bien-être. Je crispe les poings. Le fauteuil me ramène vers le panneau ouvert. En moi, boue l'envie d'arracher un à un tous les circuits, faire de la capsule une épave aussi délabrée que mon être. Les senseurs de l'OC l'ont capté. Les ceintures de mon siège se resserrent encore. Impossible de bouger désormais, même pour me gratter. Je me calme. Je me résigne. Les liens se relâchent. Que serait-il advenu si j'avais pu vider la coque de toute vie électrique? Je serais mort assurément, de froid ou à bout d'oxygène. Fin des souffrances, fin du cauchemar de chaque éveil. Nous formions un drôle de couple. Moi, journaliste à la Petite Semaine, elle, bras droit de l'éminent professeur Bérard. Elle avait été aux premières loges du projet Terre Promise. Les recherches du scientifique avaient fait du bruit à l'époque. Elle prétendait, alors qu'on n'était encore qu'au balbutiement de l'exploration spatiale, on sortait à peine du système solaire, être sur le point de découvrir la clé du voyage à la vitesse de la pensée, le voyage instantané. Bérard, par cette affirmation, avait attiré les colibets. Furieux de la réaction de ses pairs, il s'était retiré du milieu scientifique et avait poursuivi ses expériences, solidement secondées par son équipe. Que de fois Sue était rentré, désenchanté, voulant tout plaquer. Je la prenais alors dans mes bras, la réconfortais, l'encourageait de mon mieux. Le lendemain, tôt, elle repartait au boulot. Un soir, plutôt une nuit, elle m'avait éveillé frénétique. Nous avons réussi. Et tu m'entends? Nous avons réussi. Demain, c'est le grand jour, l'expérience ultime. Dans un demi-sommeil, j'avais marmonné de molles félicitations et m'étais rendormi aussitôt. Le lendemain, elle avait déjà quitté la maison lorsque j'avais ouvert les yeux. Elle m'avait laissé un petit mot tendre sur le babillard électronique. On m'avait vidéophoné au boulot. Bérard en personne. Un accident. Explosion du déstabilisateur moléculaire expérimental, avait-il dit. Sue avait été désintégré sur le coup. Mais Bérard était certain que l'expérience avait tout de même réussi, qu'avant l'accident, Sue avait voyagé dans l'espace à la vitesse de la pensée. Il en aurait mis sa vie en jeu. Je le revois encore, avec ses yeux de chien battu, qui m'explique que le problème était l'impossibilité de ramener ma compagne. Vous comprenez? Avec l'accident? Non, je ne comprenais pas. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas comprendre. J'ai pris longtemps avant de saisir toutes les implications des paroles de Bérard. Lorsque j'ai finalement réalisé que Sue ne reviendrait plus, je me suis effondré. C'est le désespoir qui me fit foncer chez Bérard cette nuit-là. Il est aussi responsable de ma présence à bord de cette boîte de conserve intersidérale. Le professeur Bérard avait su faire miroiter un lambeau de clarté devant mes yeux de naufragé, et lorsqu'il m'avait offert la place, je l'avais saisi à pleine main. Il m'avait chargé de vérifier une théorie. Bérard croyait que par le trou noir, j'atteindrais la Terre promise. Folie! S'étaient écriés les scientifiques de la Terre lorsqu'ils avaient eu vent du projet. Blasphème! Avaient hurlé les religions officielles. Suicide! Avaient lancé mes confrères de travail. Et pourtant, Pas une fois, je n'avais hésité. Ce trou, ce vide, ce néant que laissait en moi l'absence de sous m'était insupportable. Tout me paraissait préférable, même la mort. Mais, pour être honnête, je n'avais pas réfléchi. Je m'étais précipité sur la seule parcelle d'espoir qu'on m'offrait de retrouver sous. Aujourd'hui, j'ai mes doutes. Je n'avais pas compté avec le poids de la solitude qui m'écrase lors des périodes d'éveil. Je n'avais pas compté non plus avec la douleur toujours aussi cuisante à chaque réveil. Et Dieu sait qu'ils ont été nombreux, ces réveils. Il y a toujours quelque chose qui cloche sous cette canisse. Mon unique protection contre la folie réside dans ce fragile espoir de revoir Sue un jour. Je m'attelle au remplacement des circuits grillés en ne sachant trop si je dois bénir ou maudire la duperie de l'espoir. Et voilà, vous trouverez cette nouvelle via le blog des éditions de l'Avenir à l'aveniraudio.canalblog.com et sur le site d'audiocité.net. Merci de votre attention. À bientôt.